Seigneur, ça c'est le coup. Dédicace pour ma soeur qui est partie trop tôt. Mixtape sans expression. Studio du bled, production. Depuis que tu es parti, rien n'est plus pareil. Ça me donne envie de pleurer, chaque fois que j'entends ton nom à mes oreilles. À cause de ça, maintenant c'est moi qui paye. Tu nous as quittés à 26 décembre 2002. Maintenant c'est moi qui te prends pour si peu. Je me suis mis à rapper pour dire ce que ça m'a causé. J'oublie cette souffrance en pensant à toi. Je suis plus sensible quand je pense trop à toi. Ta mémoire sera toujours ma foi. Mais tu peux compter sur moi, même si tu n'es plus là. Ton départ, ça me désole, j'ai trop fait de conneries à l'école. J'ai fait quoi, oh mon Dieu, pour mériter ça? Je voulais que tu partes plus tard pour que tu puisses partir en même temps que moi. Ceux qui t'ont fait ça, c'est sûr qu'ils vont regretter. Ils savent même pas travailler à cause d'eux, maintenant tu es décédé. C'est pour ça que cette zig, c'est pour te la dédicacer. Car depuis que tu es parti, j'ai jamais cessé t'aimer. Normal, tu es ma sœur, tu seras toujours dans mon cœur. Mais ce cœur est parti dans un autre monde. J'arrive même pas à mettre une fleur sur ta tombe. Même si je t'aimais quand t'es parti, tu m'as trop blessé. Votre mère me réveille pour me dire que tu es décédé pendant ton sommeil. Ce que je dis dans cette zig, c'est pour dire que ma vie me complique. Mais quand t'es parti, j'ai pas eu besoin de mouchoir. Car ta mémoire est dans mon cœur, c'est ce qui fait mon pouvoir. Ça fait 7 ans que tu nous as quittés, depuis ça m'a blessé. Et ce genre noir qui m'a compté, même si t'étais handicapé, je t'avais toujours aimé. Depuis que tu es parti, je me suis défoncé à l'accro avec une petite défense au bédo. J'ai fait ce son au studio. Cette zik est pour ma sœur qui sera toujours dans mon cœur. Nous c'était la vie à la mort, c'est ce qui me rendait plus fort. Cette zik est pour ma sœur qui sera toujours dans mon cœur. Nous c'était la vie à la mort, c'est ce qui me rendait plus fort.